Bonsoir à tous, il est 21h, vous écoutez actuellement Quanta dans l'émission Le Nouvel Explorateur sur Radio Fadjet. Je vous ai dit dans l'émission du 11 février que nous allions commencer une trilogie sur trois pays différents. Cette trilogie est liée à un événement qui aura lieu à la Maison des étudiants, à la Faculté de Lettres de Nancy, du 6 au 10 avril 2020. Cet épisode sera sur la Belgique. Il y aura donc des artistes belges au cours de cette émission. Il y aura également une brève description d'une ville française au milieu d'émissions. Ville qui sera soit Limoges, soit Poitiers. En avant toute pour la première musique de l'émission qui est Le Plat Pays de Jacques Brel. Maintenant sur Radio Fadjet dans Le Nouvel Explorateur. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'Est écoutez le tenir le plat pays qui est le mien avec des cathédrales pour uniques montagnes et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest écoutez le vouloir. Le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord. Écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien. C'était le plat pays sur Radio Fadjet de Jacques Brel sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. C'est au tour de la seconde musique. Cette musique, vous la connaissez sûrement et c'est clairement pas du même style que la musique que vous venez d'entendre, qui je vous le rappelle est Jacques Brel pour le plat pays. Mais maintenant, cette musique, c'est Paris c'est loin de Damso et Booba sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Et juste après, normalement, nous verrons une ville française qui sera soit Poitiers, soit Limoges. Je vous laisse réfléchir à propos de cela. En attendant, je vous laisse Damso en featuring avec Booba pour Paris c'est loin. Jaloux se reconnaissent entre eux, beaucoup d'aînés, beaucoup d'envieux. La rue Car ici t'entraîne la frustration des hommes, confond travailleurs avec chanceux. Des nuits blanches à broyer du noir, car l'angoisse de la page blanche a fait que je voyais rose. J'en ai vu de toutes les couleurs, ma plume a souvent dû changer d'épouse. Amis et frères, y'a pas plus dangereux, mais moi qu'une femme qui te demande dans les yeux, ça fait partie du jeu. J'éternue souvent pour faire un maximum de vœux. Je fus découvert par mes deux os, d'insultes je fus couvert pour quelques mots. La rime dit foulard entre autres, je suis responsable de ce que j'écris, pas de ce que tu comprends du flow, no. Des AMSO qui m'aiment like ou me follow, ça fait partie du flow. Vulgaire sans les mots, je me perds sur les réseaux, à snapper mon vélo. Mon cœur est en détresse, veux tout niquer en express. Je fais succès mais Paris c'est loin, décès, c'est. Batterie faible, veuillez la recharger. Coup de poing dans la vie à la Banerari, négro Paris c'est loin sauf en la Ferrari. Franck habile sur poitrine de Materazzi, j'espère mon démoteur de Maserati. J'n'ai que des billets violets pour elle. Merci t'y poses à la main, j'ai 99 problèmes, mais une joie n'en est pas un. Je ne comprendrai jamais pourquoi il frime, négro quand même heure au début du film. Rat de pied énervé du au bout du fil, tu passes par la porte à la honte que le fil. Biatch, tu passes par la porte à la honte que le fil, j'fais passer ma lettre comme un Libreville. Je te conseille de tracer un chemin plus court. Le nez des Miwana, on sait de quoi je parle. La cloison nasale, la feuille à sang, séché rosé comme un jambon de Parme. Très tôt déjà, j'ai connu le racisme en primaire. Valérie avait peur du noir, mais ne parlait pas de lumière. Les mots sont des larmes qui aiguisent les haines et colères. Liberté d'expression est plus efficace que censure. Humoriste traqué par CRS, rappeur flingué dans une voiture. Force de l'ordre sans bavure, texte résiste aux ratures. Solitaire comme dame nature, dans mon cercueil ils me chanteront. On n'est pas tout seul de gradure. Ma fille, des fois, j'aimerais voler tes yeux. De naissance en 92, 92 pour penser qu'il n'y était pas. Dans la vie, contrairement aux échecs, la partie continue après échec. Et m'a disait-il aussi, je fais succès, mais bon, Paris c'est loin. Coup de poing dans la vie à la Banerari, négro Paris c'est loin sauf en la Ferrari. Franck habile sur poitrine de Materazzi, j'espère mon démoteur de Maserati. J'n'ai que des billets violets pour elle. Merci t'y poses à la main, j'ai 99 problèmes, mais une joie n'en est pas un. Je ne comprendrai jamais pourquoi il frime, négro quand même heure au début du film. Rat de pied énervé du au bout du fil, tu passes par la porte à la honte que le fil. Biatch, tu passes par la porte à la honte que le fil, j'fais passer ma lettre comme un Libreville. Paris c'est loin. Paris c'est loin. Paris c'est loin. Paris c'est loin. C'est Booba et Damso pour Paris c'est loin sur Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Je vous rappelle que l'on étudiera une ville française très prochainement. Cette ville, c'est soit Limoges, soit Poitiers. Je vous laisse parier. Je vous laisse parier le temps d'une musique. Et cette musique, eh bien, c'était cette musique qui venait de passer. C'était Damso featuring Booba pour Paris c'est loin. Et cette ville, c'est soit Poitiers, soit Limoges. Et je vous laisse. Je vous le dirai dans 3, 2, 1, cette ville, ça sera pas Poitiers, mais ça sera Limoges. Et nous voyons tout de suite qu'est-ce qu'il y a à faire à Limoges. Limoges, désignée ville créative de l'UNESCO en 2017, Limoges brille depuis 10 siècles par sa maîtrise des arts du feu. Voici le parcours à suivre pour ne rien manquer de cette ville riche d'histoire, capitale du Limousin. Et que faire à Limoges ? Vous pouvez admirer la gare de Limoges-Bénédictin. À votre descente du train, prenez le temps d'observer la coupole, le haut campanile et les vitraux de ce bâtiment art déco inauguré en 1929. Considéré comme l'une des plus belles au monde, la gare de Limoges-Bénédictin est classée monument historique en France depuis 1975 et est devenue l'emblème de Limoges. Sa particularité, son toit impressionnant dont le cuivre a verti avec le temps. Découvrir la porcelaine de Limoges au musée Adrien Duboucher. Impossible de visiter Limoges sans se familiariser avec la porcelaine qui fait sa renommée. Situé au cœur du centre-ville, le musée national Adrien Duboucher vous présente l'histoire de la céramique depuis l'Antiquité à travers pas moins de 5000 pièces exposées, associées au musée national de céramique à la manufacture nationale de Sèvres depuis 2012, formant ainsi la cité de la céramique, Sèvres et Limoges, ils œuvrent à la promotion dans le monde d'un savoir-faire d'exception et augmentent régulièrement sa collection permanente d'expositions temporaires. Il y a aussi la cathédrale Saint-Étienne, le jardin de l'évêché, le musée des beaux-arts, le quartier de la boucherie, les pavés de la cour du temple. Vous pouvez aussi comprendre la cuisson de la porcelaine au four des Cassots. Il y a aussi le pont médiéval Saint-Étienne et Saint-Martial. Il y a aussi le parc Victor Thuyo. Et c'est déjà beaucoup pour un week-end. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations sur Détour en France, Que faire à Limoges, 10 activités incontournables. Et cet article a été publié le 12 mars 2019. Donc, si vous voulez le voir, vous pouvez. Je répète, le site internet, c'est Détour en France. Et la ville que nous avons vue, c'est Limoges. Et maintenant, il est temps de passer à la troisième musique de l'émission. La troisième musique de l'émission, qui est Flou de Angel. Maintenant, ça te va jeter dans le nouvel explorateur. J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme. Petit concert dans des bars vides, ma babysitter la première à me suivre. Ensuite tout a changé très vite, même mes amis ils ont changé. Tout est devenu plus simple, enfin surtout pour entrer dans les soirées. On connaît tous la pression, tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. Pas durer, ou peut-être seulement quelques mois. Voilà, je commence déjà à angoisser. Crise après crise, j'arrive plus à être moi. On connaît tous la pression. Tu te sens un peu seul au monde, c'est pas qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai. Tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou. De perdre la tête en enfer, la suite t'en verra. Perdre la tête en enfer, j'ai peur de perdre tous mes repères. Tout est devenu flou. C'était Flou de Angel sur AutoFadjet dans le nouvel explorateur. Et maintenant, on va écouter la dernière et quatrième musique de l'émission. On va terminer par l'artiste avec lequel on a commencé cette émission. Et si vous vous rappelez bien, c'est Jacques Brel. Mais ce n'est pas pour le plein pays. Cette fois-ci, c'est pour ces gens-là sur AutoFadjet dans le nouvel explorateur. D'abord, il y a l'aîné

je vais vous dire au revoir, à bientôt, mardi 24 mars 2020, dans le Nouvel Explorateur. Allez, salut les gens.